des bitches, fais de la monnaie. Grosse fesse pour gros bonnet. Mental de la cahier, ça aide pas de charbonner. Moi j'ai plus rien à donner, en bas de la zone j'apprenais. Mental de la cahier, regarde pas le nombre d'abonnés. J'me suis cramé pour l'espèce, avec des cramés de mon espèce. J'ai mis son cœur en détresse, avant de mettre fusée dans l'espace. La vie d'artiste, vida est si j'connais des gens. J'connais des gens. C'est pas lourd, c'est léger. J'arrête de lever les yeux au ciel. Que réfléchir, ça suffit pas. J'me sens très bien dans mon dél. Et puis j'ai tout ce que tu sais pas. La misère se fut si belle. Avant de grandir et de me charger. Tu seras toujours aussi belle. Donc reste comme t'es, faut pas changer. Sans sortir de chez moi, j'mets les mains dans la neige. Elle veut monter, descendre, faire un tour de manège. J'ai l'air et la manière, ça l'a rendu méfiant. Si demain tout s'arrête, on partira comme des hommes. Elle veut rentrer dans ma tête, elle a joué avec ses formes. J'suis tout en Gabbana, dans une suite à Milano. Elle veut pas d'un Gabbana, pour les diamants sur l'anneau. J'suis toujours dans le feu de l'action, j'essaie de calmer mes tentations. Y'a pas de nouvelles fréquentations, elle se passe dans l'ombre les transactions. La vie d'artiste, la vie d'Aizy, j'connais des gens. J'connais des gens. C'est pas lourd, c'est léger. J'arrête de lever les yeux au ciel. Que réfléchir, ça suffit pas. J'me sens très bien dans mon dél. Et puis j'ai tout ce que tu sais pas. La misère se fut si belle. Avant de grandir et de me charger. Tu seras toujours aussi belle. Donc reste comme t'es, faut pas changer. Sans sortir de chez moi, j'mets les mains dans la neige. Elle veut monter, descendre, faire un tour de manège. J'ai l'air et la manière, ça l'a rendu méfiant.